Entraînement. Activité 4, page 27. Piste 17. Il y a quoi au menu? Du poisson avec des carottes. Encore, je déteste le poisson et les carottes. Regarde, il y a aussi du poulet avec des frites. Très bien. Je prends du poulet. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Du poisson. J'adore le poisson à la cantine.